cours numéro 8. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi wahdah, wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'dah, wa ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه فصل ومما ينبغي الاعتناء به علما ومعرفة وقصدا وإرادة العلم بأن كل إنسان بل كل حيوان إنما يسعى فيما يحصل له اللذة والنعيم وطيب العيش ويندفع به عنه أضداده ذلك وهذا مطلوب صحيح يتضمن ستة أمور. هذا الفصل نافع جدا. ابن القيم رحمة الله عليه في هذا الفصل يقول parmi les choses dans lesquelles on doit faire des efforts et donner beaucoup d'importance علما que ce soit au niveau du علم ou du عمل قال العلم أي on doit savoir أن كل إنسان بل كل حيوان chaque être humain بل c'est plus vaste chaque حيوان الحيوان c'est celui qui a une vie. Ça englobe, en réalité, les êtres humains, les animaux. قال إنما يسعى فيما يحصل له اللذة والنعيم وطيب العيش. L'objectif de tout le monde, c'est هذا في الحقيقة. المؤمن والكافر. Même le حيوان. L'objectif de tout le monde, c'est d'avoir une vie paisible, tranquille. Tu vis en sécurité, toi et tes proches. Pas de problème, pas de douleur, pas de souffrance. Le but de tout le monde, c'est هذا. حتى الحيوان. Vous avez déjà vu les animaux, quand il y a du bruit ou quand واحد veut leur faire du mal, cet animal, imma il se défend, imma il se sauve. Et quand il est fait raha, fayartah. Il arrive à dormir, il a akhir. L'être humain, nafs al-shay, al-mu'min al-kafir, l'objectif de tout le monde, c'est d'être heureux. Qala, wa yadfa' aw wa yandafi' bihi anhu addadu dhalik. Donc, le but de chacun, c'est d'être heureux et de repousser ce qui est contredit hada, le mal, les souffrances, les douleurs, il a akhir. Qala, wa hada matloubun sahih. يتضمن ستة أمور. هذا مطلوب صحيح. La base c'est طيب que chacun veut son bien. لكن ابن القيم رحمة الله عليه c'est un imam في السنة, c'est un imam في العلم. Il va citer six points pour te montrer الطريق الصحيح pour arriver à هذا. لأن si on réfléchit, si on médite, chacun quand il se lève le matin, son objectif c'est d'être heureux. Chacun. Lakin, le comment, et comment être heureux, هذا, ça dépend. Et ces six points vont éclaircir. قال أحدها معرفة الشيء النافع للعبد الملائم له الذي بحصوله لذته وفرحه وسروره وطيب عيشه. Première chose, ma'rifatu shay' an-nafi'. Awalan, si on est tous d'accord que on veut tous être heureux, il a akhiré, awalan, tu dois savoir c'est quoi qui t'est profitable. C'est quoi qui t'est profitable. Tu dois connaître cette chose. Li'anna ba'd an-nas, al-haqiqa, yakhtalifuna fi hadha. Ba'd an-nas, ils pensent que être heureux maintenant c'est d'avoir telle chose. Alors que là, être heureux, c'est d'avoir forcément de l'argent. Là, comme les gens, ils ont de l'argent, ils ne sont pas heureux. Comme les gens, ils n'ont pas beaucoup d'argent et ils sont heureux. Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, il te montre ma'rifatu shay' an-nafi' lil'abd. C'est quoi qui va être utile pour ce abd? Si tu connais hada, qala al-thani, ma'rifatu al-tariq al-musilati ila dhalik. Tu sais, l'anana, cette chose, elle est profitable. Comment arriver à cette chose? Il y en a كثير من الناس, ils savent que telle chose elle est profitable, mais ils ne vont pas vers cette chose. Ça, c'est le deuxième point. الثالث سلوك تلك الطريق. سلوك تلك الطريق. Emprunter ce chemin. Enfin, le premier point, connaître c'est quoi qui est profitable pour nous. Deuxième point, connaître le chemin qui conduit à cette chose profitable. Troisième point, emprunter ce chemin. On donne un mithal. Ahlul Haqq, ils savent très bien anna anfa' shay et afdal shay pour eux, c'est rida Allah subhanahu wa ta'ala. c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il soit satisfait de nous. Ça, c'est un fâché. Si Allah, il est satisfait de toi, azza wa jal, personne ne pourra te nuire. Abadan. Même si wahid, il te fait du mal, tu patientes, ça fait du mal qu'à lui. Amma al-abd al-salih, Allah, il l'élève. Donc, un fâché, c'est hada. Rid Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah, il soit satisfait de nous. Ma'rifatu al-tariq. Comment arriver à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est quoi le tariq? Qu'est-ce que je dois faire pour que Allah il soit satisfait de moi? At-tariq, c'est les doros qu'on a vus auparavant. Fastaqim kama umirta. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basira. Le seul chemin pour arriver à que Allah il soit satisfait de nous, c'est al-'ilm wa al-'amal. Al-'ilm wa al-'amal. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala 'ala basira. قال عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. Allah il nous a créé que pour ça, c'est ça le tariq. Et on a dit العلم والعمل لان c'est pas toutes les œuvres qui rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui te rapprochera d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est العمل الصالح. C'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement et tu adores Allah subhanahu wa ta'ala بعلم. Tu fais attention à deux choses. Ces deux choses t'écarteront de ce tariq. Al-shirk wa al-riya, a une mauvaise intention, ayyadan billah, adorer autre qu'Allah, ou adorer Allah et vouloir se montrer vers les autres. Et le deuxième point qui t'écartera de hadha tariq, al-bida' wa al-khurafat. Wahid, il est sincère, lakin, il fait une adoration que... Cette adoration, elle n'est pas dans le Coran et dans la Sunna. C'est une invention. Vahada, ça fait que l'écarter du tariq. Donc, pour résumer, al-tariq, c'est as-sirat al-mustaqim. Ce tariq, on le demande tous les jours. Comme taqaddam ma'ana, fi surat al-fatiha. Quand on fait salat, chaque mu'min récite et il dit as-sirat al-mustaqim. C'est ça le tariq. Vahada, as-sirat, Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, il nous a démontré c'est qui a emprunté ce sirat. لأن الله عز وجل قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Et le chemin qu'Allah nous guide sur le droit chemin est le chemin que Allah subhanahu wa ta'ala أنعم عليه ou أنعم عليهم أي بعض الناس. قال عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. C'est la voie de هؤلاء. هذا الطريق c'est la voie de الرسل. C'est la voie de الصحابة رضي الله عنهم. C'est la voie de العلماء أئمة الملة. Troisièmement, سلوك تلك الطريق. Tu sais, tu connais ce qui t'est profitable. On a donné l'exemple, Rid Allah, c'est un fâché. Qu'Allah soit satisfait de nous. Le seul chemin, c'est de suivre le Coran et le Sunnah, en revenant au savant. Tu sais tout ça, maintenant il faut appliquer. Suluk tel qu'attari. Comme les gens, ils savent. Mathalan, ils savent qu'il faut faire cela. C'est une obligation de faire cela. Lakin, ils ne la font pas. At-tawfiq biyadillahi azza wa jal. Enfin, connaître, faire des efforts pour l'ilm, et connaître la chose. Et demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce troisième point, سلوك تلك الطريق, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. Fait l'insan, il fait des efforts, il demande à Allah, ou il tawakkal à Allah. لأن connaître et ne pas suivre le tariq, ça ne sert à rien. Al-Qur'an, hujjatun lak ou alayk. Al-Qur'an, c'est une hujja pour toi. Si tu l'appliques, tu suis hada tariq, c'est une hujja contre l'insan, iyadan billah, s'il connaît et il n'applique pas. Hada, c'est un exemple. Fi hada, par rapport à Ahlul Haq. Ahlul Haq, walillahi alhamd, on a donné un exemple, annahum, ils veulent rida Allah, et ils savent comment arriver, et le chemin à suivre, et kadhalik, ils font des efforts pour emprunter ce chemin. Ba'd an-nas, mathalan, on donne un contre-exemple, les anna, on a dit, tout le monde, fil haqiqa, veut être heureux, ila akhir. Ba'd an-nas, ils pensent que la chose la plus utile, c'est l'argent. Donc son objectif c'est l'argent. Faqat. Il va délaisser son din. Pas de salah, pas de ilm, pas de amal. Rubbama il fait des concessions. Rubbama yakfur bikulli wudu' pour l'argent. At-tariq pour lui c'est n'importe quel tariq. Wa'aduhum iyadan billah kama ta'lamoun. Rubbama il fait du mal aux autres. Il vend de la drogue وهنا يبالي ساتودي دي بيرسون سا ديفيز دي فامي الى اخره لكن الى ان اوبجيكتيف فكونتي سي هذا عياذا بالله à cause de mauvaise fréquentation il lui montre que l'argent depuis qu'ils sont jeunes hein, خاصتنا avec les films avec la musique avec il leur met ça dans la tête dans le cœur ان الاوبجيكتيف سي l'argent le matériel enfin, tu trouves ce jeune ça rentre dans son cœur ثم il se renseigne comment il a deux solutions im dans le halal ça prendra du temps et il gagnera pas beaucoup imma ayadan billah dans al haram فربما il veut beaucoup d'argent il prend la route du haram ou il sait الان on a deuxième étape il sait ان مثلا s'il vend de la drogue peut-être qu'il va gagner telle somme par jour telle somme par mois c'est des sommes énormes c'est une fitna ayadan billah troisième étape وربما il passe à l'action سلوك هذا الطريق tout ça pourquoi si tu demandes à ce jeune, est-ce qu'en vendant de la drogue, il veut se faire du mal? Est-ce que son but, c'est d'aller en prison? Est-ce que son but, c'est de faire pleurer sa mère? Le départ, c'est quoi? C'est, il veut être heureux, il veut se mettre à l'aise, il veut être en sécurité, il veut un avenir, il veut faire plaisir à ses proches. Lakin, c'est pas comme ça. Ah, là, ces deux exemples, et n'importe quel exemple, tu trouveras, At-tariq, c'est la même. Lakin, ba'dhum, ils ont compris c'est quoi, al-khayr al-haqiqi. Ils ont fait des efforts. Et ba'duhum, iyadun billah, ils ont pensé que leur bien c'était dans telle chose et ils ont fait des efforts dans leur égarement. On passe aux étapes suivantes. Al-rabi' ma'rifatu d-dar al-mu'zi al-munafir alladhi yunakkidu alayhi hayata. C'est la même chose. Trois étapes. Les trois premières étapes c'était sur le bien. Al-an, le mal. Qala ma'rifatu d-dar. Connaître le mal. Connaître les choses qui te feront du mal. Connaître les choses qui vont te ralentir dans ton din. Connaître les choses qui vont t'éloigner d'Allah, qui vont faire baisser ta foi. Fa'awlan une connaissance du ilm. Qala al-khamis ma'rifatu at-tariq allati idha salakaha afdat bihi ila dhalik. Kadhalik, connaître le mal et connaître les chemins qui emmènent au mal. Troisièmement, qala as-sadis, huna le sixième, si on prend toutes les étapes, tajannubu sulukiha. Si tu connais le mal, et tu sais les chemins qui emmènent, écarte-toi. فالحقيقة, celui qui applique ces six points, il connaîtra le khayr et il va l'appliquer, il va connaître le shar et il va s'en écarter. On donne un exemple. Ahlul haq, عندهم, ils savent très bien que la chose qui fait le plus de mal, c'est الشرك بالله عز وجل. قال عز وجل, إن الله لا يغفر أن يشرك به. Allah, il pardonne pas le shirk. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ Allah, il annule toutes les œuvres du mushrik. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ Celui qui meurt à la shirk l'akbar, Allah lui interdit al-jannah. La shirk, c'est la chose la plus grave. فَلِهَذَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم, quand il a été interrogé sur akbar al-kaba'ir, les péchés les plus graves, il répondait toujours en premier, le premier péché le plus grave, al-ishraku billah. الشرك بالله associer Allah demander à des morts égorgés pour une tombe عياذا بالله se prosterner devant une statue مهم adorer autre qu'Allah عز وجل معرفة الطريق c'est quoi qui pousse à faire du shirk si on connaît الطريق on sera à la khayr c'est une des causes qui pousse les gens à faire du shirk c'est l'exagération exagérer الغلو بعض الناس tellement qu'ils exagèrent sur les morts ça peut être un salih ou autre ça peut être un wali min awliya illa lakin ils exagèrent ayyadan billah ils ont ouvert une porte anta tu connais hada tariq tu sais que l'exagération ça peut pousser au shirk et vous connaissez l'histoire de qawm nuh ou ceux qui sont venus après alayhi salatu wassalam annahum des pieux qui étaient à leur époque ils sont morts et ils ont fait des représentations sur leur tombe C'est l'exagération. Allah, il a interdit ça. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit les représentations, c'est interdit. Khassatan les morts. Les malades, ça ouvre cette porte. Enfin, ils les ont représentés et ils ne les ont pas adorés au départ. Lakin, ils ont ouvert le bain. Des générations qui sont venues après, ils ont trouvé ces morts avec des représentations. Enfin, ils ont pensé qu'ils avaient un statut que les autres, ils n'ont pas, ils les ont adorés. Enfin, si tu connais un tahad al-tariq, t'appliques la troisième étape, t'ajannub sulukiha, tu t'écartes de ça, t'exagères, pas, abadan. Si c'est un wali, tu fais du'a pour lui, tu l'aimes, fillah. Amma, exagérer, le représenter, faire tawaf autour de sa tombe, lui demander, ayyadam billah, tout ça, c'est des portes d'égarement. Un contre-exemple. Wa'ad al-Nas, il pense que s'accrocher au din, c'est un mal. Robama, si tu fais des efforts fi sunnah, tu vas être accusé. Si tu fais des efforts fi l'ilm, Robama, tu vas pas trouver de travail. Enfin, pour eux, c'est un sort. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'écartent. Ayyadam billah. Si tu veux faire des efforts dans le din, ils savent très bien que tu dois t'habiller de telle manière, tu dois faire des sacrifices, tu ne dois pas te mélanger, tu dois t'écarter du haram. Et là, akhiri, fa'iyadam billah, shaytan yuwaswis lahum, si tu suis haoula, tu vas tomber dans le mal. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'écartent. Ayyadam billah. À ces six points, fa'il haqiqa, l'imam ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, wuffiqa. Et man ta'ammala, fi hada, ça va l'aider diddan. قال فهذه ستة أمور لا تتم لذة العبد وسروره وفرحه وصلاح حاله إلا باستكمالها وما نقص منها عاد بسوء حاله وتنكيد حياته. فces six points, si tu les maîtrises, tu les appliques, فبإذن الله عز وجل, ça va t'ouvrir beaucoup de portes. Et plus l'insan s'écarte de هذا, plus il se fait du mal. بعض الناس تعلمون أنهم, ils veulent le bien, lakin ils ne savent pas le bien où qu'il est. Prends l'exemple de l'éducation des enfants. Si on éduque nos enfants à la hada, depuis qu'ils sont petits, an al-khir c'est din. Prends soin de ta salat. T'éduques comme ça ton enfant. Prends soin awwalan du ilm. Et tu lui apprends al-tawhid, wa ma'na al-shahadatayn, et des efforts fil l'aqid, à l'apprentissage de l'aqid. Thumma, tu lui montres que c'est la chose la plus importante. Thumma al-salat. On l'éduque à la hada. Tout le monde lui montre les chemins qui emmènent à ce khayr. À ne pas se fréquenter al-ashrar, fréquenter al-salihin, faire des efforts fil ilm. Si on peut l'envoyer dans un endroit pour qu'il apprenne, il a akhir. Depuis qu'il est petit enfant, il va être éduqué à la hada. Falhamdulillah, il sera à la khayr. Fa'in wuffiqa, il applique et yasbir yathbut hatta yamut. Falhamdulillah, c'est un khayr azim. Leurs enfants, ils sont éduqués, ils veulent khayr. Rappelez-vous, l'imam ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, il a démontré à kulla insan, bal kulla hayawan, innama yaz'a fima yuhassil lahu al-ladha. Al-ladha, c'est le plaisir, la joie, être heureux. Enfin, chaque parent, il veut le bien pour son fils, pour sa fille, pour ses enfants. Certains parents, vous avez remarqué que depuis que l'enfant, il est petit, jusqu'à qu'il grandisse, il lui parle de son avenir. Ça serait l'avenir fi din ou l'akhirah. Alhamdulillah, là, que donner. Tu dois travailler et les études. Enfin, l'enfant, il grandit avec ça. Il pense plus qu'à cela. Bardohum, quand tu les conseilles, ils disent, mais il est petit, il faut bien qu'il ait un travail. Il va grandir. Robbama, il grandit et il travaille, il est éprouvé par une maladie. S'il est éduqué, le premier cas, à la sunnah, à la sabr, il va patienter. Wallahi, s'il n'est pas éduqué à la sunnah, Robbama, il met fin à ses jours. Robbama, un divorce, il ne patiente pas, pourtant il a une situation professionnelle, il a de l'argent, il se suicide. L'imadal et Anna, sa femme l'a quitté, yadam billah. Ou une maladie, il ne patiente pas. Ou alors il a des millions. Est-ce que haoula, ses parents, ils ont fait du bien à leur enfant? Abadan. Éduque-le à la sunnah, à l'aqidah sahiha, ou la takhaf. Al risque, c'est biyadillah, azza wa jal. Si il est éduqué avec une croyance solide, Alhamdulillah, il travaillera comme tout le monde. Ben, s'il rentre dans le domaine du travail, Alhamdulillah, il s'en sortira plus que les autres. L'imam Ali Anna, il patientera plus. Lakin, il saura que l'argent, c'est dans la poche, c'est pas dans le cœur. Là, il y a de l'argent, Alhamdulillah, il profite dans le halal, et ça le rapproche d'Allah Azza wa Jal, il fait des sadaqat, il fait le hajj, il fait l'umrah. S'il n'a pas d'argent, il patiente. Amma haoula, qu'ils éduquent leurs enfants à la dunya faqat, cet enfant, ça devient une proie de dunya. Il pense plus qu'à ça. Si cet enfant est grandi, مثلاً, il arrive à l'âge de 30 ans, il a une situation professionnelle. Les parents l'ont encouragé à ça. Il travaille, il a akhiri. Pas de salat, pas de ilm, pas de hajj, pas de zakat. Il est totalement éloigné du din. Il meurt. Qu'est-ce qui se passe s'il meurt? S'il meurt, il aura des comptes à rendre. Première question, fil qabr, man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Première question. Si ce n'est pas un mu'min, il ne pourra pas répondre. Il se fait châtier dans sa tombe. Yawm al-qiyama, la première chose sur laquelle l'abdi sera interrogé, comme a dit le hadith Ibn Mas'ud, radiyallahu an, as-salat. La salat. Il n'a pas fait salat. Qu'est-ce que c'est bien, vont lui servir. Il est mort, ربما ce qu'il a laissé, c'est les gens, ils vont se les partager, ils vont profiter. هو il a même pas pu profiter ربما. La dunya ou la din. Est-ce que هؤلاء في الحقيقة ils ont voulu du bien pour leurs enfants? أبدا. Les enfants, on prend pas soin d'eux que في العيد كما يفعل البعض. بعض الناس يفعل خير. C'est que le jour du عيد. ثم tout le reste de l'année, il y a aucun lien avec الدين. La salah, la ilm, la hifd. Là, ça c'est un taqsir kabir جدا. On doit s'éduquer nous-mêmes avant d'éduquer nos enfants. Pour éduquer nos enfants, nous-mêmes, on doit être éduqués. Un parent, un père ou une mère qui sont fait dunya, ils pensent qu'à dunya, ils ne vont pas éduquer leur enfant à la sunna. Là. Fallait hala qala le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kullu mauloudin yulad ala al-fitra, fa abawahu yuhawidanihi, ou yunassiranihi, ou yumajjissanihi. Tous les enfants, ils naissent ala al-khir, ala al-fitra. Et ils aiment l'islam, ils aiment l'iman. Un enfant, tu remarqueras que quand il est petit, si tu le montres din, il aime. N'importe quel enfant, même l'enfant d'un kafir. Lakin, qui c'est qui va le rendre juif, chrétien ou autre? C'est les parents. On doit faire des efforts nous-mêmes. Thumma éduquer nos enfants. Ça c'est un mythal. Faqat l'éducation des enfants. Les six points qu'il a cités. Ibn Qayyim, ils sont à faire. Qala. وكل عاقل يسعى في هذه الأمور لكن أكثر الناس غلط في تحصيل هذا المطلوب المحبوب النافع. Chaque عاقل في الحقيقة يسعى في هذه الأمور. Il fera des efforts. N'importe qui, musulman ou kafir, celui qui a la raison, أنه il veut le bien, il veut s'écarter du mal. مثلا si on demande à un kafir, est-ce que tu veux le bien pour toi-même et tes proches, il va dire non. Est-ce que tu veux le mal, il va dire là. لكن c'est quoi le bien et c'est quoi le mal? قال لكن أكثر الناس غلط في تحصيل هذا المطلوب المحبوب النافع إما في عدم تصوره ومعرفته وإما في عدم معرفته الطريق الموصلة إليه. أكثر الناس et c'est ça qui est grave et qui est dangereux et l'insan il fait attention. أن أكثر الناس ils se sont égarés dans ce point. Et ils n'ont pas appliqué ces six points comme il faut. Deux causes. إما في عدم تصوره ومعرفته. إما il connaît pas le bien et il connaît pas le mal. ربما il fait des choses, il croit que c'est bien, c'est du mal. ربما il s'écarte du mal, pour lui c'est un mal et في الحقيقة il s'écarte du خير. On a donné des exemples. قال وإما في عدم معرفته الطريق الموصلة إليه. إما il connaît pas le طريق. فمثلا بعض الناس ils savent très bien que الخير c'est الجنة, la satisfaction d'Allah إلى آخره et l'islam, لكن ils ne savent pas comment faire. Imma, ils se basent sur des rêves. Imma, des bida'a. Ba'dahum matalan, si on donne un exemple, l'adhkar. Si tu dis tant de fois telle chose à tel moment, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te récompenser avec telle chose ou il sera satisfait de toi. Des bida'a, kathira fi hadha al-bab. Ba'dahum masakin, ils se fondent sur quoi? Sur des rêves. Annahum, un tel, il a vu en rêve celui qui dit ça, et tu trouves umma min al-nas, ils font cette chose. Est-ce que ha'oula, ils vont arriver au but? Abadan. Pourtant ils ont une bonne niya, ils veulent hada, lakin at-tariq. Le seul chemin pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La ghayr, il n'y a pas d'autre chemin. Kama bayyana ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi. Jami' at-turuq masduda, tous les chemins ils sont fermés. T'as qu'une porte d'ouverte, c'est la sunna. Celui qui veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il rentre par cette porte. La ghayr. Amma se fatiguer avec les rêves, avec les histoires, avec c'est de la perte de temps. قال فهذان غلطان سببهما الجهل ويتخلص منهما بالعلم. C'est quoi la cause الآن? Si on se pose la question, c'est quoi la cause أن فلان il sait pas c'est quoi le bien ou le mal? Et كذلك le deuxième point, أن il sait pas le chemin emprunté. Et pour se rapprocher, si c'est un bien, ou pour s'écarter, c'est un mal. C'est le جهل, c'est l'ignorance. Le seul moyen c'est العلم. مثلاً, si tu veux te déplacer d'un endroit à un autre, مثلاً, واحد, il te dit, dans tel endroit, il y a de l'argent, il y a une somme. S'il ne te montre pas tariq, tu ne pourras pas profiter de cet argent. Enfin, celui qui veut profiter, il faut que واحد, il lui montre tariq, c'est ça l'ilm, il faut des connaissances. وهكذا الشرط, واحد, il te dit, dans tel endroit, il y a telle chose qui fait du mal. Si tu ne connais pas, ربما, elle te fera du mal, ربما, tu t'approches. وأنت لا تعلم, فلا بد من العلم. قال, ويتخلص منهما بالعلم. الحقيقة, depuis le début de la risala, ça revient souvent هذا. العلم, العلم. Pourquoi? لأن العلم c'est أساس السعادة. Bien sûr, علم كتاب الله wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, et bien sûr, al-amal bil-ilm. Amma mujarrad bil-ilm, wahid rubbama, il peut savoir al-tariq, comme on a dit, il peut connaître c'est quoi le bien, il peut savoir le chemin qui emmène à ce bien. Maintenant, il sait que salat, c'est une chose que Allah il aime, ça rapproche d'Allah. Il sait comment faire salat. Il peut la faire. L'eau, elle est devant lui, il peut faire l'eau d'eau, il peut se mettre en direction de Qibla, lakin il n'applique pas. C'est d'aucune utilité. Enfin, le ulama, quand il cite les bienfaits du ilm, ça va avec l'amal. Hada khudhu qa'ida. Le ulama, ils ne vont pas daiman te détailler. Maintenant, Ibn al-Qayyim, il n'a pas dit wa yutakhallas minhu bil ilm wa l'amal, etc. L'ilm, bien sûr, ça englobe l'amal. قال وقد يحصل له العلم بالمطلوب والعلم بطريقه لكن في قلبه إرادات وشهوات تحول بينه وبين قصد هذا المطلوب النافع والسلوك طريقه فكلما أراد ذلك اعترضته تلك الشهوات والإرادات وحالت بينه وبينه وهو لا يمكنه تركها وتقديم هذا المطلوب عليها إلا بأحد أمرين إما حب muta'alliqun wa imma faraqun muz'ijun. C'est un exemple. Pourquoi بعض الناس ils savent at-tariq. Ils savent que Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné de l'adorer seul, il faut l'adorer seul. Allah il nous a interdit de faire du shirk et on doit s'écarter. بعض الناس ils savent, si on reprend l'exemple de la salat, il faut accomplir la salat, c'est obligatoire. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وبعض الناس يقول هذا الحديث celui qui la délaisse كفر. Il sort de l'islam. لكن il applique pas l'imada. On peut se poser la question pourquoi? لأن entre son cœur et l'accomplissement et le fait de faire passer à l'action, il y a un obstacle, il y a un voile. قال وقد يحصل له العلم بالمطلوب. Si on prend l'exemple de salat, il sait que la salat c'est obligatoire. Il sait comment la faire. Il peut la faire. Lakin fi qalbihi iradatun wa shahawat. On revient au doros précédent. Aïe dans son cœur des choses qui l'empêchent. Shahawat a'yadun billah. Il pense que s'il fait salat à l'heure, il va perdre son travail. A'yadun billah. Il pense que s'il fait salat à l'heure, il ne trouvera plus de travail. Pour lui, l'avenir, c'est de travailler. أيد للصلاة عيدا بالله. قال إرادات وشهوات تحول بينه وبين قصد هذا المطلوب النافع والسلوك طريقه فكلما أراد ذلك اعترضته تلك الشهوات. À chaque fois qu'il veut faire, cette شهوة qu'il y a dans son cœur, elle le repousse de ce bien. عيدا بالله. هذا كذلك dans les péchés. بعض المسلمين ابتلوا ببعض المعاصي, certains péchés. À chaque fois qu'il délaisse, ثم cette شهوة dans son cœur, elle le fait retomber dans ce péché. ثم يدلس ثم يغتم. Alors qu'il sait que c'est un mal, alors qu'il sait qu'il faut s'écarter de ce mal, il connaît le tariq, tu ne dois plus faire هذه المعصية, لكن cette شهوة. الإنسان يصبر. Si c'est une معصية, il la délaisse. S'il affaiblit et il la refait, il la redélaisse. Et il est fait jihad. Et il fait des efforts. Et il fait les causes pour s'écarter de cette معصية et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala العون والتوفيق. Si c'est une chose qu'il doit faire, il توكل على الله. Et il fait, il patiente. Arubama, au départ, c'est faqil. Il manque de ilm, il manque de ikhlas au départ. Arubama. Et avec le temps, ça vient. Pourquoi on patiente fi dunya et on ne patienterait pas pour salat? Si on prend l'exemple de salat. Ba'd an-nas, il patiente arubama fi amalin shaq. Un travail très très dur. Arubama, il porte des charges lourdes. Arubama, il est fait exposé au soleil. Et il patiente arubama 8 heures. فكيف لا يصبر صلاة chaque صلاة ربما ça dépasse pas 10 minutes avec l'eau d'eau ربما. فلماذا؟ Pourquoi؟ Ça revient au cœur. C'est quoi ton objectif؟ Vu que بعض الناس ils savent très bien que s'ils travaillent il a un salaire, il l'a vu, il le touche, il en profite. أما le salaire de صلاة il n'est pas encore arrivé. Ça revient au cœur. أما المؤمن il est sûr qu'il sera récompensé. Falihada, il fait salat et il est mutma'in. Il sait qu'un jour viendra et il sera récompensé. Et jaza'ul akhira, c'est incomparable avec la dunya. Qala wa halat baynahu wa baynahu wa huwa la yumkinuhu tarkuha wa taqdim hadha al-matlub. En fait, il est fait sira'. Il ne peut pas faire les deux. Imma il fait salat, imma le travail. Fa fi hadha al-hal, c'est l'iman qui va trancher. Si son iman il est qawi, il ne délaissera pas salat, ou il tawakkal à Allah, il fait les efforts pour faire à l'heure. Si wahid il l'empêche de faire salat, la ta'ali makhluq fi ma'asiyat il khaliq, il fait salat. Et celui qui donne, c'est Allah. Ce patron, cette entreprise, c'est un sabab faqat. Et si cette entreprise, ce travail, il t'empêche de faire salat, c'est du shar. Wallah subhanahu wa ta'ala, il donne à ses ibad. Wa fi samaa et rizqukum wa ma tu'adoun. Ton risque, il a été écrit, akhil karim, quand tu étais dans le ventre de ta mère. Kama ja'a fi hadith ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Taqaddam 'ana kathiran. Quand tu es dans le ventre de ta mère, ton risque, il est écrit. Rizqihi wa ajalihi wa shaqiyin. L'ange, il écrit tout. C'est ton risque. Quand tu es dans le ventre de ta mère, et après l'allaitement, l'enfant il est né, et après quand il est bébé, quand il grandit, jusqu'à ta mort, tout est écrit. La takhaf. Fais les causes, faqat. Et ça ne doit pas te préoccuper. Ala tariq. Alhamdulillah, tu mangeras comme tout le monde, tu dormiras comme tout le monde, hatta tamou. هذا الإنسان الدنيا تدور أبخند هكذا فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى إدك الصحابة على هذا وكن سي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل سوى في الدنيا كم أن اتخنجي أو عابر سبيل أو أن فواياجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى إدك الصحابة هكذا رضي الله عنهم ونحن ندور سيدك نمام نوز أنفان هكذا ton enfant الدنيا تلي إكسليك. Ne t'accroche pas trop, tu peux travailler, alhamdulillah, t'arrives pas, accroche-toi à ton din. L'essentiel, c'est le din. L'ASF, certains parents, ils accentuent sur deux points avec leurs enfants. Ils éduquent leurs enfants à l'had. Imma bilisan al-han, imma bilisan al-maqal. Imma ils leur disent directement, amma l'éducation, l'hakala. Ils font comprendre à l'enfant, aham shay, tu travailles, et aham shay, t'es en bonne santé. Vous avez déjà entendu l'had. Al-awam, ils le disent, aham shay, as-sihha. L'essentiel, il est en bonne santé. Ayyub alayhi salam, il a été éprouvé par la maladie des années et il était à la khayr. Yusuf alayhi salatu salam, il a été emprisonné injustement, la liberté l'avait plus, il était à la khayr. Comme minan nas, ils sont en bonne santé et c'est des mujrimoun, kafara. Hatta ja'a fil hadith anna yawm al-qiyama yu'ta bir rajul as-samin adh-dhakhm. Ay un homme grand, costaud, en bonne santé, la yuzan 'inda Allah janah ba'ud. Il pèsera pas, indallah, le poids, l'aile d'une mouche, d'un moustique. Il vaut rien, indallah. Pourtant, il a la santé, il a rien. Tu trouves un mu'min, miskin, rubbama amrad, rubbama aucune situation professionnelle. Il n'a pas de maison, rubbama. Il est fi faqr. Et c'est un wali min awliya illahi azza wa jalla. Law aqsama ala Allah, la abarra. Il fait du'a, Allah, il l'exauce. Il fait du'a à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yantaqim min fulan. Hada c'est un wali. Pourtant, le dunya, il n'a pas grand chose. Fal hadar min hada. On conseille les parents, anahum, ils font des efforts fil ilm. Pourquoi on insiste beaucoup sur l'éducation? Cette génération, il y a beaucoup de wa'af fil ilm, fil amal et des fitan. Et on ne désespère pas, on fait des efforts, lakin on espère qu'avec la génération qui arrive. Et la responsabilité, c'est sur les parents. Éduque tes enfants, aham shay. C'est l'ilm. Aham shay, c'est ton din. T'es malade, ça passera. Ce corps qu'on fait attention, qui tombe pas malade, ça y est, kuluhu, ad-doud, wa turab. Tu seras enterré et marouf, le corps humain comme il devient. Éduque ton enfant à la hada. Tu ne trouves pas de travail, ya waladi, ça viendra. Al-amr sahl, esbir. Esbir, fais des efforts, fais les causes. Et inshallah tu trouveras, c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain. Lakin ton din tous les jours, la mort elle peut arriver à tout moment. Qala wa huwa la yumkinuhu tarkuha wa taqdim hadha al-matlub 'alayha illa bi ahad amrayn. Walillah alhamd, il nous a cité un problème, anna ba'd an-nas ils n'arrivent pas à appliquer ou à délaisser. Pourtant ils savent. Ibn al-Qayyim rahmatullah 'alayhi te cite deux points pour réussir. Qala illa bi ahad amrayn. إما حب متعلق وإما فرق مزعج وهذا سيفيندرا إن شاء الله dans le درس suivant ونسأل الله عز وجل التوفيق والإعانة والسداد وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك